الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique, Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi adam wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd. أيها الإخوة والأخوات في الإسلام après ceci mes frères mes sœurs en islam أحباب الحبيب محمد المصطفى très cher au bien-aimé محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. كنا في فترة الامتحانات الدراسية. On était dans la période des examens scolaires. وبعد الامتحان تعطى النتائج. Après l'examen, il y a les résultats qui sortent. إما نجاح أو خسران. Soit un succès, soit un échec ou une perte. وفي الغالب فرحة النجاح تدفع الطالب إلى الانغماس في المحرمات. خمور ومخدرات ورقص إلى غير ذلك. Et souvent, la joie du succès ou de la réussite pousse l'étudiant ou l'élève à plonger dans les interdits pour profiter des moments de joie et des moments du succès. Le vin ou la drogue ou la danse, etc. Et في الغالب مرارة الخسران تدفع الطالب أو التلميذ إلى الانغماس في المحرمات لنسيان لحظات الفشل. Et en même temps, souvent l'amertume de l'échec pousse l'étudiant à plonger dans les interdits afin d'oublier les moments d'échec. وفي الحقيقة نجاح أو خسران الدنيا يذكر المؤمن بنجاح وخسران الآخرة. En réalité, l'échec ou le succès dans le monde ici-bas font rappeler aux croyants le succès ou la perte dans l'au-delà. فالحيات امتحان دائم. La vie n'est qu'un examen permanent et éternel. والنتائج ستعطى يوم القيامة. Les résultats de notre vie seront donnés le jour de la résurrection. إما فائز وإما خاسر. Soit un succès ou soit un échec. Après cette introduction, je commence par la première question. Et toutes les réponses à mes questions seront purement coraniques. من هو الفائز ومن هو الخاسر يوم القيامة. Qui est celui qui aura le succès et celui qui sera perdant. Quel est le gagnant et le perdant le jour de la résurrection? للإجابة اخترت لكم بعض الآيات القرآنية. Afin de répondre à cette question, je vous ai sélectionné quelques versets coraniques. في الأولى يقول الله تعالى وتبارك. Dans le premier, Dieu le Très-Haut dit: فمن زحزح من أبعد. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَقَدْ نَجَحَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Celui qui sera écarté loin du feu et qui sera introduit au paradis aura certainement remporté le succès. La vie ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. الآية الثانية. Le deuxième verset, قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit, لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. Les gens du feu ne sont pas sur un même niveau ou ne sont pas égaux aux gens du paradis. Ashabul jannati wahdahum. Ashabul jannati humul faizoun. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Al-aya thalitha. Le troisième verset. Qala ta'ala. Dieu dit. Qul innal khasirina. يعطينا مفهوم الخسارة ومفهوم من هو الخسران قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة دي les vrais perdants sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes ainsi que leur famille le jour de la résurrection ألا ذلك هو الخسران المبين هكذا يقول الله هذا هو الخسران المبين مش خسران في امتحان أو خسران في البيرمي أو خسران في شيء آخر أو خسران في زواج لا الخسران المبين هو أن تخسر غدا يوم القيامة c'est sûrement cela qui est la perte évidente من بعد تقول الآية par la suite le verset dit لهم من فوقهم ظلل ظلل يعني طبقات من النار ومن تحتهم ظلل هذه هي الخسارة طبقات نار فوقهم وطبقات نار تحتهم خسارة كبرى ils ont au-dessus d'eux des nuages ou des couches de feu et au-dessous d'eux des nuages de feu ذلك يخوف الله به عباده c'est avec cela que Dieu fait peur à ses serviteurs. Ya ibadi fattaqoon. Ô mes serviteurs, craignez-moi donc pieusement. Falfaiz al-haqiqi huwa man dakhala al-janna. Le vrai gagnant est celui qui aura la possibilité d'entrer au paradis. Wal khasir al-haqiqi huwa man dakhala an-nar. Et le vrai perdant est celui qui va entrer en enfer. Amour il a soual athani. Je passe vers la deuxième question. Mahiya alamat al-fawz fi dunya. Quels sont les signes du succès dans ce bas monde? Al-jawab al-alamat kathira. Akhtasiru ou akhtaru lakum ba'daha fi ayat qur'aniya. La réponse, les signes du succès sont très nombreux et je vais choisir pour vous quelques-uns dans quelques versets coraniques. Fil ayat al-oula, dans le premier verset, Dieu dit وَمَنْ الْأَوَّلُونَ هُمُ الْمُطِيعُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ هَذِي عَلَامَ Le premier signe, c'est d'obéir à Dieu et à son messager. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا Celui qui obéit à Dieu et à son messager, Dieu l'introduira dans des jardins sous lesquels coulent les rivières et où ils seront immortels. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ مَا فِي نَجَاحْ أَكْبَرْ مِنْ هَذَا مَا فِي فَوْزْ أَعْظَمْ مِنْ هَذَا حَسَبْ الْآيَةُ وَحَسَبْ مَا قَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكْ C'est là le très grand succès. Ça veut dire qu'il n'y a pas un grand succès plus que celui-ci, d'accéder au paradis. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ نُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ Celui qui désobéit à Dieu et à son messager et qui outrepasse ses limites, il l'introduira dans un feu où il sera immortel et il aura un supplice humiliant. الآية الثانية أو القسم الثاني le deuxième groupe هم المتقون sont les pieux ذكرهم الله في بداية سورة البقرة avec les pieux Dieu a démarré le chapitre de la vache وذكر صفاتهم et il a décrit leur qualité الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون qui croient à l'invisible ou à l'inconnu qui pratiquent la prière et dépensent de ce que nous leur avons donné ou la إلى آخره أولئك على هدى من ربهم ceux-là sont sur une bonne voie de leur Seigneur وأولئك هم المفلحون هم الناجحون Et ce sont ceux-là qui ont récolté le succès. La troisième catégorie faite par les bienfaiteurs ou les bienfaisants. Dieu les a cités dans le début du chapitre Luqman. Et il a cité leurs qualités. هم يوقنون وصلوا إلى درجة اليقين أعبد الله كأنك تراه هؤلاء هم المحسنون هذه درجة الإحسان. Dieu a cité leurs qualités qui font la prière, qui donnent la zakat et croient avec certitude à l'autre monde. Croire avec certitude, c'est là le niveau de la perfection de l'ihsan, c'est-à-dire adorer Dieu comme si on le voit. Iman bil ghaib وصل درجة اليقين أولئك على هدى من ربهم ceux-là sont sur une bonne voie de leur Seigneur وأولئك هم المفلحون et ce sont ceux-là qui récolteront le succès. الرابعة le quatrième groupe أولياء الله les bien-aimés de Dieu les élus par Dieu. قال تعالى Dieu dit ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Assurément, les bien-aimés de Dieu, aucune crainte à leur sujet et nul chagrin ne les afflige. الذين آمنوا وكانوا يتقون, ceux qui ont cru et été pieux, لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ils ont la bonne nouvelle dans la vie ici-bas et dans la vie ultime. لا تبديل لكلمات الله, aucun changement des paroles de Dieu. ذلك هو الفوز العظيم, c'est cela le très grand succès. الخامسة le cinquième groupe, المؤمنون les croyants. ذكرهم الله في بداية سورة المؤمنون les croyants, Dieu les a cités au début du chapitre les croyants. قد أفلح المؤمنون les croyants ont effectivement récolté le succès. وذكر صفاتهم et il a cité leurs qualités. خشوع ومحافظة على الصلاة, recueillement profond dans la prière et respect des horaires de la prière. إعراض عن اللغو, éviter le verbiage. زكات, donner la zakat. عدم زنا, ne pas faire l'adultère. حفاظ على الأمانة والعهد, sauvegarder les dépôts, honorer ses engagements. أولئك هم الوارثون, ceux-là sont les héritiers. الذين يرثون الفردوس, qui héritent du paradis où ils seront pour l'éternité. Hum fiha khalidun. Sadisan, sixièmement, as-salihun, les vertueux. Qala ta'ala, Dieu dit dans un verset coranique, innal ladhina amanu wa amilu s-salihati lahum jannatun tajri min tahtiha l'anhar. Ceux qui auront cru et accompli les bonnes œuvres ou les œuvres vertueuses auront des jardins sous lesquels coulent les rivières. Dhalika al-fawzu al-kabir. C'est là le très grand succès. Sabi'an as-sadiqoun. Sept, c'est le groupe des véridiques ou des sincères. Taqulu al-aya, le verset dit qala Allah hadha yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Dieu dit c'est là le jour où les sincères ou bien les véridiques se trouvent bien dans leur ou de leur sincérité. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ils ont des jardins sous lesquels coulent les rivières et ils y sont éternellement immortels. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dieu est pleinement satisfait d'eux et ils sont pleinement satisfaits de lui. Dhalika al-fawzu al-'azim. C'est là le très grand succès. Thaminan, huitièmement, ad-du'at, les prédicateurs. Qala ta'ala, Dieu dit dans un verset coranique, waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Qu'à partir de vous, il se forme une communauté appelant au bien, ordonnant les bons usages et en proscrivant les mauvais. أولئك هم المفلحون أولئك هم الناجحون, ce sont ceux-là les récolteurs du succès. تاسعا وأخيرا, neuvièmement et qui est le dernier point, أصحاب التزكية, les gens qui se purifient. قال تعالى, Dieu dit, قد أفلح من زكاها, a effectivement récolté le succès, celui qui s'est purifié, وقد خاب من دساها, et a effectivement échoué celui qui s'est laissé corrompre. أخي أختي, frère, sœur, من أي صنف أنت؟ À quel groupe appartiens-tu? Al-Muti'in lillah wa rasulih, à ceux qui obéissent à Dieu et à son messager? Al-Muttaqin, les pieux? Al-Muhsinin, les bienfaisants? Al-Sadiqin, les sincères et véridiques? Al-Mu'minin, al-Haqiqiyin, les vrais croyants? Awliya Allah, les bien-aimés de Dieu? Al-Salihin, les vertueux? Al-Du'at, les prédicateurs sincères? Al-Mutazakkin, aux gens qui se purifient? In kunta hakada fahani'an lak, si tu es ainsi, félicitations à toi. Félicitations pour des jardins sous lesquels coulent les rivières. Hani'an lak bi jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa illa akhi ukhti fatub, sinon mon frère, ma sœur, réponds-toi à Dieu. Wa hawil an takuna wahidan min at-tis'a, et essaie d'être un parmi les neuf cités aujourd'hui. فَقَدْ شَهِدَ لَهُمُ اللَّهُ بِالْفَوْزِ وَالْفَلَاحِ, parce que Dieu a témoigné pour ces neuf le grand succès et la grande réussite. وَأَمُرْ إِلَى السُّؤَالِ الثَّالِثِ, je passe maintenant vers la troisième question. مَا هِيَ عَلَمَاتِ الْخُسْرَانِ فِي الدُّنْيَا, quels sont les signes de l'échec dans ce bas monde? اخترتُ لكم في الجواب بعض الآيات, dans la réponse j'ai choisi pour vous quelques versets coraniques. الأول, le premier, هم أولياء الشيطان, les premiers sont les alliés du diable ou avec le diable. قال تعالى, Dieu dit, ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر, الله يشهد, فقد خسر خسرانا مبينا, celui qui prend le diable comme tuteur en dehors de Dieu a effectivement subi une perte évidente. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui témoigne. Al-Thaniya, le deuxième verset, humul mukaththibun biyawm al-qiyamah, haula khasirun, le deuxième groupe est fait par ceux ou de ceux qui ne croient pas au jour de la résurrection, sont des perdants. قال تعالى, Dieu dit, قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين, ont vraiment perdu ceux-là qui auront qualifié de mensonge la rencontre de Dieu et ils n'étaient nullement sur la bonne voie. الثالثة, le troisième, كل الناس من أهل الخسران, كل الناس إلا المؤمنين الصالحين الصادقين الصابرين. Le troisième exemple nous donne toute l'humanité est dans la perte totale, à part les croyants sincères, vertueux et patients. قال تعالى, Dieu dit, والعصر, أقسم, الله يقسم بالعصر, par le temps éternel, Dieu jure là, par le temps éternel, إن الإنسان, كل إنسان, كما كان, إن الإنسان لفي خسر, l'homme va vraiment à sa perte. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, sauf ceux qui ont cru, qui ont fait les bonnes œuvres, qui se sont recommandés la vérité et la justice et qui se sont recommandés la patience. الرابع, المثال الرابع والأخير, le quatrième et dernier exemple, المؤمنون, هؤلاء مؤمنون ولكن في طريق الخسر. Là, le quatrième nous parle de croyants, mais qui sont sur le chemin de la perte. المؤمنون الناسون لذكر الله, ce sont les croyants qui ont oublié dans leur vie l'évocation de Dieu. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمُوا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ô vous qui avez cru, ne vous laissez pas distraire de l'évocation de Dieu par vos biens et par vos enfants. Celui qui s'en laisse distraire, ce sont ceux-là les perdants. Wa amurru ila su'al ar-rabi', je passe vers la quatrième question. Man hum alladhina lan ya'rifu an-najah abadan? Qui sont-ils donc ceux qui ne connaîtront jamais le succès? Al-jawab, la réponse, awalan, premièrement, al-kafirun, les mécréants. Qala ta'ala, Dieu dit, innahu la yuflihu al-kafirun. Certes, les mécréants ne récolteront aucun succès. Thaniyan, deuxièmement, al-zalimun, les injustes. Qala ta'ala, Dieu dit, innahu la yuflihu al-zalimun. Certes, les injustes ne récolteront aucun succès. Thalithan, al-mujrimun, troisièmement, les criminels. Qala ta'ala, Dieu dit, innahu la yuflihu al-mujrimun. Al-mujrimun, certes, les criminels ne récolteront aucun succès. Rabi'an wa akhiran, quatrièmement et dernièrement, as-sahirun, les sorciers. Taqulu al-aya, le verset dit, wa la yuflihu as-sahirun, et les sorciers ne récoltent aucun succès. Wa amurru ila as-su'al al-khamis wa al-akhir, après cela, je passe à la cinquième et dernière question. Kayfa تكون حالة الفائزين وحالة الخاسرين يوم القيامة؟ Comment sera-t-il l'état des gagnants et l'état des perdants le jour de la résurrection? اخترت لكم في الجواب بعض الآيات. J'ai choisi pour vous dans la réponse quelques versets coraniques. الأولى, le premier, عند الميزان, lors de la pesée. قال تعالى, Dieu dit, فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. إذا ثقلت الموازين فأنت ناجح, إذا لم تثقل الموازين غدا يوم القيامة فأنت خاسر, أنت فاشل. Celui dont les œuvres pèseront lourd, ceux-là sont les récolteurs du succès. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Celui dont les œuvres seront légères, ceux-là sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes et qui s'éterniseront pour en enfer. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارِ حَالَتُهُمْ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارِ وهم فيها كالحون مشويون إلى درجة ما تبقى عندهم شفاه, نرى الأسنان مباشرة. Les flammes leur lèchent le visage et leurs lèvres s'y retroussent en découvrant les dents. Ils seront bien rôtis jusqu'au point que les lèvres disparaîtront. ثانياً, deuxièmement, عند تغير الألوان, lors du changement des couleurs ou bien des teintes. قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, le jour où des visages deviendront blancs et où des visages deviendront noirs. كم من وجه أبيض سيصبح عند الله أسودا وكم من أسود سيصبح غدا أبيض. Combien de visages aujourd'hui blancs deviendra demain noir devant Dieu, et combien de visages noirs aujourd'hui deviendra blanc demain. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Quant à ceux dont les visages auront noirci, avez-vous nié après avoir cru? Goûtez donc le supplice pour votre négation passée. وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et quant à ceux dont les visages auront blanchi, c'est dans la grâce de Dieu où ils seront immortels. ثالثاً, troisièmement, عند توزيع الكتب, lors de la distribution des livrets. قال تعالى, Dieu dit, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ, هذا ناجح, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُ قَرَأُوا كِتَابِيَهُ. Celui qui aura reçu son livret dans sa main droite dira: tenez, lisez mon livret. Inni vanantu anni mulaqin hisabiyya. J'avais la conviction que je devais rencontrer un jour mon jugement. Fahuwa fi 'ishatin radiyya. Il sera dans une vie paisible. Fi jannatin 'aliyya, dans un jardin haut placé. Qutufuha daniyya, ses fruits sont à la portée de sa main. Kulu washrabu hani'an, hani'an binajahikum, hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya. Mangez et buvez, grand bien vous fasse pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Félicitations, votre succès. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lamut kitabiyya. Quant à celui qui aura reçu son livret dans sa main gauche, il dira: comme j'aurais bien voulu ne jamais recevoir mon livret. Wa lam adri ma hisabiyya, et ne jamais savoir ce que sera mon jugement. Ya laytaha kanat al qadiyya, comme j'aurais bien aimé que la première mort fût la définitive. Ma aghna anni maliya, najah ad-dunya, ma aghna anni al-yawm. À quoi m'ont servi mes biens? Ça veut dire le succès qu'il avait dans le bas monde ne lui a pas servi dans l'au-delà. Halaka anni sultaniya, j'ai perdu mon pouvoir ou mon autorité. Khudouhu farulluhu, saisissez-le et enchaînez-le. Thumma al-jahim sallouh, puis jetez-le dans la fournaise ardente. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an faslukuh, puis légotez-le avec une chaîne longue de 70 coudées. Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim, il ne croyait pas en Dieu le très grand. Wa la yahuddu ala ta'am al-miskin, il n'incitait pas à nourrir les pauvres. Fa laysa lahu al-yawma hahuna hamim, il n'a aujourd'hui ici aucun ami pour le protéger. Wa la ta'am illa min ghislin, et il n'a pour manger que du sang et du pu. La yakuluhu illa al-khati'un, seuls les fautifs en mangent. Wa akhtim في الرابعة بهذه الآية التي تتكلم عن الخاسرين أصحاب النار. Je finis par ce quatrième exemple, ce quatrième verset dans lequel Dieu parle des perdants, les gens de l'enfer. لهم فيها زفير, لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون, ils y font entendre des râles et ils n'y entendent rien. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها عن النار عنها مبعدون. Ceux qui ont obtenu auparavant de nous la bonne promesse, ceux-là en sont éloignés. لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون, ils n'entendront pas sa rumeur et sont pour l'éternité dans tout ce qu'ils ont désiré. لا يحزنهم الفزع الأكبر, ils ne sont pas attristés par le plus grand ou par la plus grande frayeur. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يوم نجاحكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Les anges viennent à leur rencontre, voici votre jour qui vous était promis. وفي الأخير أوصيكم ونفسي بتقوى الله, à la fin je vous recommande à moi-même la piété, la grande piété de Dieu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci, serviteur de Dieu, أخي أختي, إذا نجحت في هذه السنة فلا تغتر بالنجاح. Dans le cas, frère ou sœur, où tu as réussi aux examens, ne te laisse pas tromper par cette réussite. فالنجاح الحقيقي هو الجنة. Le vrai succès, c'est d'entrer au paradis. وإذا فشلت إذا خسرت في الامتحان هذه السنة فخسرانك يا أخي ويا أختي لا يجب أن يؤدي بك إلى اليأس أو إلى الانتحار. Mais dans le cas où, mon frère ou ma sœur, tu as subi un échec scolaire cette année, que ton échec ne te pousse pas au désespoir ou bien au suicide. فالخسران الحقيقي هو دخول جهنم. Parce que le vrai échec est celui d'entrer en enfer. ربما يرى الإنسان غنيا. Peut-être quelqu'un remarque ou regarde un milliardaire, un riche. فيتمنى مكانه. Et il souhaite être à sa place. لأنه ناجح. Parce que c'est quelqu'un qui a réussi. ربما يرى, peut-être qu'il va voir مهندسا, un ingénieur, محاميا, un avocat, طبيبا, un médecin, رئيسا, un président de la République, ملكا ou un roi. فيتمنى مكانه. Et il va souhaiter être à sa place. لأنه ناجح. Parce qu'il est quelqu'un qui a eu le succès. ربما الشاب يرى مغنيا. Il se peut que le jeune regarde un chanteur. رياضيا, un sportif de haut niveau. رئيس عصابة, un caïd. بائع مخدرات, ou un vendeur de drogue, إلى آخره, etc. فيتمنى مكانه. Et il souhaite être à sa place. لأنه عنده مال كثير. Parce qu'il a une grande fortune. أقول, je dis, هذا الذي رأيت مكانه في الدنيا وأعجبك. Celui-là que t'as vu sa place dans cette vie ici-bas et sa place t'a plu, as-tu vu sa place dans l'au-delà? La taghtar bimadhahir ad-dunya. Ne te laisse pas tromper par les apparences de la vie ici-bas. Ra'annas amwal Qaroun. Les gens ont vu la richesse de Qaroun wa ghina. تقول الآية, le verset dit, قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Les gens qui désiraient uniquement la vie ici-bas disaient, si nous avions les mêmes richesses qu'a reçu Qaroun, certes il a une chance énorme. فلما خسف الله به وبداره الأرض. Lorsque Dieu a fait disparaître Qaroun, a fait disparaître la terre en dessous de Qaroun et de sa maison, تقول الآية, le verset dit, وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. À ce moment-là, les gens qui ont souhaité ou qui ont voulu être bien à sa place hier, maintenant ils disent, malheur à nous. N'est-ce pas que Dieu donne la richesse avec abondance ou parcimonieusement à qui il veut? لولا أن الله من علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. Dans le cas où Dieu ne nous a pas accordé sa grâce, il nous ferait disparaître dans la terre. Malheur aux mécréants, ils ne récolteront jamais le succès. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, لقد جاء الإخوة من بلجيكا في الجمعة الماضية. Des frères à nous sont venus de la Belgique vendredi dernier. متأخرين, ils sont venus en retard. ولكنهم رجعوا فرحين إلى بلجيكا. Mais ils sont revenus à leur pays avec une grande joie. لما وجدوكم قد أعطيتموهم قبل وصولهم 2900 أورو. Ils sont devenus très très contents lorsqu'ils ont découvert que vous avez donné pour leur mosquée avant leur arrivée 2900 euros. نسأل الله أن يفرحكم كما أفرحتموهم. On demande à Dieu de vous rendre heureux comme vous les avez rendus heureux. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, من أسباب الفلاح الكرم. Mes frères et mes sœurs, parmi les raisons du succès se trouve la générosité. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, إنما أموالكم وأولادكم فتنة. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation. وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Et Dieu a auprès de lui un immense salaire. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Craignez pieusement Dieu autant que vous pouvez, wasma'u, et écoutez, wa ati'u, et obéissez, wa anfiqu khayran li anfusikum, et dépensez du bien pour vous-même, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, celui qui est prémuni contre sa propre avarice, ce sont ceux-là les récolteurs du succès. فاليوم الجمعه الاول من الشهر, aujourd'hui est le premier vendredi du mois. فحاولوا ان تكونوا اليوم من اهل الجود ومن اهل النجاح والفلاح, essayez d'être aujourd'hui parmi les gens de la générosité, parmi les gens du succès. بتبرعاتكم لمسجدكم هذا, grâce à vos dons pour votre mosquée ci. وفي الاخير يا لا فين اقول لكم ايها الاخوه والاخوات, هذه اخر خطبة أقوم بها في هذه السنة الدراسية. Il s'agit là du dernier discours que j'effectue dans cette année scolaire. وإلى اللقاء بكم إن شاء الله في أواخر غشت أو في بداية سبتمبر, en espérant vous rencontrer si Dieu le veut à la fin du mois d'août ou bien au début du mois de septembre. وتقبل الله منا صالح الأعمال. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا, وأصلح ذات بيننا, واهدنا سبل السلام, وأخرجنا من الظلمات إلى النور, واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين, برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, نتوجه إليك في هذه الساعة, في هذا الشهر المبارك, في هذا الشهر الحرام, نسألك في هذا المسجد المبارك يا رب, نسألك النجاح يا رب, اجعلنا من أهل الفلاح, اجعلنا من أهل الفوز العظيم, اجعلنا من أهل الفوز الكبير, يا ربنا اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من الخاسرين. يا رب, غدا يوم القيامة سلمنا كتابنا بيميننا. يا رب, اجعل موازيننا تثقل ولا تخف. يا رب, أدخلنا الجنة برحمتك. يا رب, باعد بيننا وبين النار حتى نكون ممن فاز. يا رب, أسكننا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يا رب, كم قرأنا هذه الآية في القرآن, يا رب حققها لنا ولآبائنا وزوجاتنا وأولادنا ولكل المسلمين, برحمتك يا أرحم الراحمين, يوم نلقاك. وفي الأخير صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم, وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب, أحد الإخوة سألني, له أخت أو بنت سقطت من الطابق الخامس أو السابع وهي بين الحياة والموت, يا رب اشفها, يا رب أطل في عمرها, يا رب متعها بشبابها ومتعها بصحتها, وبارك لها في عمرها واجعلها من الصالحات, برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, كما أبكيت هذه العائلة بهذه الحادثة, اللهم أضحكهم بالشفاء العاجل, إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.